L'association d'études de la politique de Sun Gun de Grande-Bretagne a exalté les exploits accomplis par le camarade Kim Jong-il pour la réunification de la patrie dans son article inséré dans le homepage d'Internet à l'occasion du 16e anniversaire de la publication de l'historique déclaration commune Nord-Sud du 15 juin.